L'Aiglon d'Edmond Rostand fut joué pour la première fois le 15 mars 1900 au théâtre Sarah Bernhardt à Paris, avec Sarah Bernhardt elle-même dans le rôle de l'Aiglon. C'est une pièce extraordinaire à plus d'un titre. Passons sur le fait que ce drame n'existe plus en librairie, mais cela vaut pour bien d'autres œuvres aujourd'hui oubliées. Le fait que ce drame comporte 6 actes, et à ma connaissance, en France, il n'existe pas plus de 5 pièces de théâtre répartis sur 6 actes, sort déjà de l'ordinaire. Mais surtout, ce drame est difficilement jouable au théâtre. N'insistons pas sur la longueur. Ce drame dure 4 heures. Mais songez qu'il ne compte pas moins de 60 personnages qui, à un moment ou à un autre, prennent chacun une ou plusieurs fois la parole. Et à ces 60 personnages s'ajoute encore une foule abondante de figurants. Songez en outre que pour les 5 actes sur 6 de ce drame, Edmond Rostand en précise le décor, au moins sur une pleine page. Rien d'étonnant que ce drame, d'après mes recherches sur Internet, n'ait été créé sur scène que 5 fois depuis sa création. Difficile à jouer, ce drame est aussi difficile à lire. Songez que les 40 premiers vers se répartissent entre 5 ou 6 personnages qui, au total, interviennent donc près de 40 fois. Et cette multiplicité de personnages dans une scène est loin d'être un cas unique dans ce drame d'Edmond Rostand. Et pourtant, séduit dans mon adolescence par la lecture de cette œuvre, et pour donner un digne pendant à Cyrano de Bergerac, que j'ai déjà enregistré pour vous, j'ai voulu vous en donner un aperçu ici, en 50 minutes, aperçu centré évidemment sur le personnage principal, l'Aiglon. Mais auparavant, permettez-moi un petit rappel de la grande histoire napoléonienne. En 1810, après une décennie de victoires éclatantes, notamment contre l'Autriche, telle à Wagram, près de Vienne, en 1809, Napoléon Ier répudie sa première femme et épouse l'Autrichienne Marie-Louise de Habsbourg, âgée de 19 ans, fille de François II, empereur d'Autriche, mariage dont Metternich fut l'entremetteur. En 1811, de ce mariage naît un fils, François, aussitôt baptisé le roi de Rome. En 1814, Napoléon Ier vaincu est contraint d'abdiquer. Sa femme Marie-Louise, duchesse de Parme, se réfugie aussitôt à Vienne avec leur fils. En 1818, François, roi de Rome, est fait duc de Reichstadt. En 1821, Napoléon Ier meurt en exil à Sainte-Hélène. En 1830, alors que Charles X est le nouveau roi de France, François II, père de Marie-Louise, est toujours empereur d'Autriche, avec pour chancelier, Premier ministre, Metternich depuis 1821.